French in Action, Lesson 9. Leçon 9. Vacances en Bretagne. Pendant les vacances d'été, il y a 2 ans, à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, Mireille, Cécile et Marie-Laure, leur cousin Georges et leur cousine Yvonne, sont seuls dans une maison louée en commun par les deux familles. C'est bien notre chance. Ça fait 3 jours qu'il pleut. On est belle votre Bretagne. Oui, c'est mortel la mer quand il pleut. Il n'y a rien à faire. Tu vois la belote? À la pelote dans la maison? On n'a pas la place. Mais non, Bécasse. À la belote, pas à la pelote. Tu es sourde ou quoi? On ne va pas jouer à la pelote basque en Bretagne. Mais on peut jouer aux cartes. À la belote, au brique, au poker, à l'écarté. On peut jouer aux échecs ou aux dames, c'est moins compliqué. Oh non, tout ça c'est mortel. Jouons plutôt à faire des portions. Oui, c'est une idée. Jouons au portrait. C'est ça, faisons des portraits. Comment est-ce qu'on fait pour jouer au portrait? C'est très facile. Quelqu'un décrit une personne en 3 ou 4 phrases. Par exemple, elle est grande, elle a un œil bleu, elle a un œil gris, elle est très gentille. Et puis les autres devinent qui c'est. Qui c'est? Qui? Grande avec un œil bleu, un œil gris, et très gentille. Ben, je ne sais pas, c'est personne. Elle n'existe pas, c'est un exemple. Ah bon? On invente des personnes qui n'existent pas? Mais non, est-ce que tu peux être bête? Quand on joue, on prend des personnes qui existent. Évidemment. Sinon, on ne peut pas deviner. Bon, allons-y, commençons. On commence par des gens de la famille. Qu'est-ce qui commence? Allez, à toi, Yvonne, tu commences. Non, pas moi, je n'ai pas d'idée. Mais si, voyons, ce n'est pas difficile. Tu prends quelqu'un de la famille. N'importe qui. Attends, je cherche. Voyons. Ah, ça y est, je sais. Il est grand, il a les cheveux gris et courts, il est toujours bronzé, il a bon caractère, il est toujours de bonne humeur, il est très généreux, il fait toujours des cadeaux, il adore... Tonton les... Guillaume, c'est trop facile. Qu'est-ce qu'il aime, Tonton Guillaume? Les enfants, Bécasse. Allez, c'est à moi maintenant, c'est mon tour. Le nez fin et pointu, les lèvres minces, les dents pointues, la voix pointue. Ah, qu'il est agaçant, ce diamant! Tante Georgette! Bon, à moi maintenant. Le grand sportif, très fier de ses performances, passé. À la course, aux 100 mètres, 400 mètres, au marathon, au saut en hauteur, au saut à la perche, la tête parfaite, quoi. Ne manque jamais un événement sportif. Comme spectateur, à la télé, évidemment. Il joue même au tennis, une fois par an. Oh là là, est-ce qu'elle est méchante, c'est papa? Bah évidemment, c'est ton père. Bon, à moi. L'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, tout le portrait de sa deuxième fille. Oh, il est galant le petit cousin. Bon, on va pas dire qui c'est. Si, si, dis qui c'est. Allons les enfants, il est plus de 4 heures, c'est l'heure du goûter. Dis qui c'est, je veux savoir qui c'est, là. Oh, mais tais-toi, tu es embêtante à la fin. D'abord, tu vas chercher le goûter. Je ne suis pas ta bonne. Vas-y, toi. Écoute, tu veux savoir qui c'est? Bah oui. Alors va chercher le goûter. Ah, ce que tu fais d'embêtante. Apporte de l'orangina, de la limonade. Il y a des petits pains en raisin. Apporte les galettes bretonnes aussi. Il n'y en a plus. Mais si, il en reste au moins 5 ou 6. Il n'en reste plus. Tu es sûr? Bien sûr que je suis sûr. Puisque je te le dis. Oh, tu peux me croire, hein? Marie-Laure apporte les bouteilles, les verres et les petits pains aux raisins. Attention à ce que tu fais. Marie-Laure laisse tout tomber. Oh, c'est malin. Ce n'est pas de ma faute. Alors, ne pleure pas, c'est pas grave. Alors,